Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local d'abord et régional en parlant de la grosse nouvelle ce matin qui devrait être confirmée dans le courant de la semaine. Il y aura une surface de deck hockey à Dolbeau-Mistassini en 2019. L'endroit sera confirmé lors d'une conférence de presse qui devrait se tenir très prochainement. Tout ce qu'on peut vous dire présentement, c'est que c'est confirmé, il y aura du deck hockey à Dolbeau-Mistassini en 2019. Autre belle nouvelle maintenant, c'est la Chambre de commerce de Robertval qui a décidé d'inviter Pierre Vercheval comme conférencier invité. Ça aura lieu dans le cadre d'un 5 à 7, jeudi le 4 avril prochain. Ça va avoir lieu à l'hôtel Château Robertval. Donc, pour plus d'informations, vous contactez le 275-3504, le 275-3504. Le coût d'inscription est de 30 $, donc les places sont limitées. Maintenant, on va parler de ce qui s'est passé du côté de Samuel Harvey. Hier, dans la section entrevue de danadosport.com, on a fait une entrevue avec Samuel Harvey, qui est des Huskies de Rouyn-Noranda, qui est natif d'Allemagne. On sait que Samuel Harvey fait partie de cette équipe qui a égalisé le record des épreuves de Sorel de 73-74, soit de 25 victoires consécutives. Et en entrevue sur les ondes de danadosport.com, Samuel Harvey a mentionné qu'il est quand même déçu que cette période a pris fin. On était déçu de la séquence avril, donc on était déçu d'avoir perdu le match. C'est une grosse partie contre Drummondville et tout ça, mais faut quand même mettre en évidence qu'on a gagné 25 de suite quand même. Il fallait être fier de tout ça aussi. Puis ça arrive pas souvent. C'est arrivé deux autres fois dans l'histoire de la Ligue canadienne, puis la troisième fois. Fait que veux pas, il fallait quand même être fier de ce qu'on a fait. Puis oui, c'est quand même une défaite crève-cœur. On passe à d'autres choses. Là, on a joué contre Sherbrooke puis le lendemain, puis là, on a trois jours cette semaine. Fait qu'on passe à d'autres choses. Dans un deuxième temps, Samuel Harvey a mentionné que l'équipe ne ressentait pas plus de pression dans le match de vendredi soir. Cette séquence-là, puis okay. on savait qu'on pouvait briser le record contre Romandville, sauf qu'on n'a pas fait une grosse histoire avec ça. C'est pour nous autres, là, notre but, pendant les 25 matchs, pendant tous les matchs qui ont suivi jusqu'à la fin de l'année, c'est d'améliorer à chaque jour, puis c'est d'arriver match par match, puis vraiment de prendre ça comme un événement totalement individuel. Tu sais, pour nous autres, il y avait peut-être un petit peu de pression vu qu'on savait que c'était une grosse partie, puis on pouvait briser le record, c'était une grosse partie aussi, donc, parce qu'on jouait contre Romandville, puis c'est une excellente équipe, donc oui, il y avait un petit peu plus de pression, sauf que je pense que dans l'avenir, il va en avoir plus dans les séries, puis tout ça, fait que tu sais, c'était juste, honnêtement, je pense, bon d'avoir ce genre de pression-là. Puis, tu sais, on a passé la part. Samuel Harvey, dans un dernier temps, mentionne que l'équipe des Huskies de Rouyn-Noranda est peut-être plus forte cette année, peut-être plus de profondeur que l'équipe de 2015-2016 où ils avaient remporté la Coupe du Président et s'étaient rendus en finale, la Coupe Memorial. Honnêtement, je pense que quand on est en 2015, je pense que c'était 2015-2016, ouais. Je me trompe peut-être, mais quand on a gagné, on avait une excellente équipe, c'est clair. Cette année, la seule petite différence, on a peut-être un petit peu plus de profondeur. Sauf que, en ce moment, on n'a encore rien fait. Fait que, je pense que pour qu'on puisse se comparer, il va falloir gagner, puis il va falloir gagner la Coupe du Président, puis il va falloir très bien figurer la Coupe Memorial, puis notre but, c'est de gagner les deux. Pour vraiment pouvoir comparer deux équipes, il va falloir qu'on gagne, puis c'est vers ça qu'on s'en va. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé justement la question de c'est quoi, comment ça se ressemble, puis tout ça. Honnêtement, pour moi, je pense qu'on a peut-être un peu plus de profondeur, sauf que, comme je te dis, il va falloir gagner pour vraiment là, être comme l'édition auparavant. Okay. La série entre le Marcos Pub de Saint-Félicien et les Marquis de Jonquière est menée par les Marquis de Jonquière, mais ce qui retient l'attention, c'est qu'il y a eu un autre événement de racisme entre ces deux formations. Le président de la Ligue GMS, Pierre Gay, hier, dans le cadre de sa chronique, en a parlé. Et Pierre Gay mentionne que du côté de la Ligue GMS, on n'acceptera pas ça et il devrait avoir des suspensions au cours de la semaine. On va l'écouter. Puis on a même dit, ça va même aller plus loin. Il semblerait qu'il y a des joueurs qui auraient prononcé des mots que nous, la Ligue, on n'accepte pas, comme Kawish puis tout, là. Fait que. Ça va aller plus loin. Ça s'est rendu au comité de discipline. Il y a des joueurs qui vont passer au comité de discipline cette semaine. Puis, il y avait eu des lettres, des avertissements qu'il n'y avait aucun geste disgracieux et aucune parole blessante ou odieuse envers les joueurs de hockey. Puis ça s'est produit à Jonquière. Mon vice-président était là, a été témoin. Donc, il va avoir des suivis. Donc, on rappelle la grosse nouvelle qui devrait être annoncée dans les prochains jours. Il y aura une surface de deck hockey en 2019 à Dolbeau-Mistassini, donc l'endroit où ça vous sera divulgué éventuellement. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Pierre Gay, le président de la Ligue GMS. On s'est également entretenu avec aussi Samuel Harvey des Huskies de Rouyn-Noranda et Renan Lepton qui fête son 40e anniversaire comme employé des Saguenay-Lac-Chicoutimi, va venir nous parler de ses années avec les Sags. Le sport local et régional à danradiosport.com, on s'en occupe. 15 de Mastouillache, le fait qu'ils ne sont pas dans la Ligue cette année, ça vous a-tu nuit, ça vous a-tu aidé, ça vous a-tu... Parce que c'était une puissance, les Hurricanes. Les Hurricanes avaient un très bon club, ils ont toujours eu un bon club. Définitivement que cette année, n'étant pas là, ça nous a aidé parce que, regarde, on est allé chercher deux gars de... secteur servicien Robert-Val, un défenseur, un attaquant. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé le club pour contrebalancer le fait qu'on a perdu des joueurs pour les Lynx. OK. Au solaire. Richard, toi, ta première année, tu